Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un de nos héros préférés. Lucky Luke est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Le seul, l'unique, toujours accompagné de son fidèle Jolly Jumper. Au cours de sa mission à Daisy Town, la ville qu'il a vu grandir, il va croiser Billy the King, Calamity Jane, Pat Poker, Jesse James et Belle. Monsieur Luke, je vous demande de rétablir l'ordre à Daisy Town. Bienvenue dans ma ville. Et une femme a mis un jour un nom sur ta tête d'espadon. Pat Poker. Mais sur le 17, il y a déjà 16 shérifs qui t'attendent au cimetière. Noir impair et passe ton chemin. Luke est une légende et je ne laisserai personne le descendre à ma place. Il pleut. Ouais. Le fils de hyène qui touche un cheveu du beau brun verra pas le soleil se coucher. Et on se découvre devant une dame. Il a besoin d'une vraie femme pour s'occuper de lui. On va tout de suite voir si je suis pas une vraie. Sucre d'orge. Tu vois pas que ta danseuse de saloon elle vaut même pas un pet de coyote? Voyager, c'est mon rêve. Pour que ton rêve se réalise. Ah. C'est un vieux truc de famille. Merci. Faut jamais dire merci. Lucky Luke, avec Jean Dujardin, Alexandre Alamy, Michael Young, un DVD UGC.